Manganino. Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal du 26 octobre 2017. Tiens, voici tout de suite les grandes articulations. Les 10 mensonges contre le Burundi, voilà l'objet d'une conférence organisée ce mercredi par le bureau de la présidence chargé de la communication. On fait le point dès le début de ce journal. Et un décret présidentiel interdisant aux femmes et filles de battre le tambour a été rendu public depuis quelques jours et toute exhibition de troupes tambourinaires en dehors des cérémonies officielles. Hier, une autorisation du ministre de la Culture. Et puis, l'administration communale de Cagnocha a pris des mesures de sécurité contre comme la fermeture des débits de boissons à 22h. L'on explique que c'est pour renforcer la sécurité perturbée ces derniers jours pendant la nuit par des bandits armés dans cette commune. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, je venais de vous le dire, dans une conférence organisée ce mercredi par le bureau de la présidence chargé de la communication, il a été question de porter à la connaissance du public les 10 mensonges contre le Burundi. Et parmi ces mensonges, il a été mentionné la violation des accords d'Arusha par les autorités burundaises, la planification du génocide des Tutsis, l'existence des fosses communes au Burundi, etc. Thierry Fayoukourira, reportage. Parmi ces 10 mensonges, les accords d'Arusha ont été le premier mensonge. L'Union européenne, qui ne voulait pas que ces accords soient signés, accuse actuellement le gouvernement burundais du non-respect de ces accords. Feu Nyerere assurait la médiation. Sachez que les accords d'Arusha qui sont pointés du doigt, l'Union européenne ne voulait pas qu'ils soient signés. Nous avons passé une nuit blanche jusqu'à ce que le vieux sage Mandela s'énerve. Mais à la fin, la signature a en fait été apposée et ils ont dit que même si ces accords sont signés, ils vont mettre les bâtons dans les roues, dans leur mise en application et tout cela pour que les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui ne voient pas le jour. Les fosses communes ont été aussi au centre des débats dans cette conférence sur les 10 principaux mensonges sur le Burundi. Evelyne Maniragaba, la conseillère principale à la première vice-présidence du Burundi, a insisté sur le présumé génocide contre les Tutsis. Ce mensonge est celui du génocide. Ce terme est revenu à maintes reprises dans les bouches de pas mal de monde. Les uns disaient que le génocide est en train d'être planifié, d'autres qu'il est en cours d'exécution. Certaines organisations de la société civile et beaucoup de médias ont commenté sur ce mensonge. Parmi ces mensonges, les plus importants sont entre autres les accords d'Arusha, le génocide contre les Tutsis, les fosses communes, l'instrumentalisation des Sordas et des Imbonerakure considérés comme une milice, la fortune du président de la République, la distribution des machettes pour ne citer que ceux-là. Thierry Fayoukourira, stagiaire à notre station. Et la lutte contre la corruption et le commerce frauduleux au Burundi est très avancée. C'est du moins ce que déclare le porte-parole adjoint du président de la République. Il l'a dit à l'issue de la réunion de chef de l'État ce mardi en province de Makamba à l'intention des commerçants et administratifs des provinces du sud du pays. Alain Diomède Nzeimana indique que parmi les doléances des commerçants du sud du pays figure le manque du bureau de l'OBR, l'Office burundais des recettes, qui faciliterait le paiement des taxes et impôts. Suivez le porte-parole adjoint du président de la République. Joint au téléphone par Évariste Nzikobanyang. Son Excellence, le président de la République, a tenu une réunion dans la région sud du pays pour les provinces de Rumonge, Makamba, Rutana et Bururi. Et c'est une réunion qui était à l'intention du leadership des quatre provinces pour les zones d'affaires des quatre provinces. C'était une réunion qui regardait l'état de la corruption et de la fraude parce que il y a une campagne qui a commencé au début de l'année pour décourager surtout ceux qui vendent les produits des cafés, des minéraux dans les pays frontaliers. Dans ce sens, le gouverneur de Makamba qui a donné le mot d'accueil et qui a l'audience que la province assez calme et que la population se tient aux activités quotidiennes et qu'il y a une rentrée massive des réfugiés. Les représentants des commerçants des quatre provinces ont donné leurs avis sur la fraude et la corruption et ils se sont montrés satisfaits sur le fait que les deux fléaux là sont vraiment en baisse. Et puis, son excellence, le président de la République a donné des conseils et en se basant sur les leçons de moralisation qui invitent les Burundais à connaître leur pays, à aimer leur pays et surtout de faire à tout ce qui est nécessaire pour le développer en donnant les taxes sans problème. Quelles ont été les doléances de certains commerçants qui ont répondu présents à cette réunion? Il n'y avait pas vraiment beaucoup de doléances, mais en tout cas, les commerçants de Bururi avaient voulu être proches de l'OBL parce qu'apparemment, il y a une grande distance entre les chefs de province et les bureaux les plus proches de l'OBL. Et son excellence a promis que une solution sera obtenue. Alain Diomède Nzeimana, porte-parole adjoint du président de la République. Je vous l'avais dit, le décret portant réglementation de l'exploitation du tambour au niveau national et international a été signé ce 20 octobre 2017 par le président de la République. Ce décret interdit dans son troisième article aux personnes de sexe féminin de battre le tambour et toute exhibition d'une troupe de tambourinaires en dehors des cérémonies officielles va requérir une autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions. Aubin Niyonguru nous a lu ce décret. Voici son compte-rendu de lecture. Selon ce décret présidentiel, toute formation ayant dans ses objectifs l'animation culturelle doit se faire enregistrer au ministère de la Culture. L'article 5 poursuit en disant que toute exhibition d'une troupe de tambourinaires en dehors des cérémonies officielles requit l'autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions. Cette autorisation est notamment exigée lors des cérémonies de mariage, dot, de naissance, de remise de diplôme et autres. L'article 10 dit que la demande est introduite par l'organisateur de l'activité au moins 2 semaines avant, en précisant la date, le lieu et la durée du spectacle. Avant de délivrer toute autorisation, le ministère de tutelle apprécie la pertinence d'une troupe de tambourinaires à cet événement. L'article 3, quant à lui, interdit strictement aux personnes de sexe féminin de battre le tambour. Cette réglementation prévoit aussi des sanctions pour les recalcitrants. En accompagnement au jeu du tambour, elles peuvent néanmoins exécuter les danses féminines. 3 ministères sont chargés de la mise en application de ce décret, à savoir celui de la culture, des finances et celui du tourisme. Merci, Aubin Niyonguru. La sécurité perturbée ces derniers jours pendant la nuit par des bandits armés en commune Kanyosha, c'est dans la province de Bujumbura. Raison pour laquelle des mesures de sécurité ont été arrêtées selon l'administrateur de cette commune. Parmi ces mesures, l'on peut citer la fermeture des débits de boissons à 22h et l'interdiction de circulation des taximotos au-delà de 19h. L'administrateur Jean-Marc Mounzerere appelle ceux qui sont concernés par ces mesures de les appliquer à la lettre. Cette autorité confirme par ailleurs que ces mesures n'auront pas de conséquences sur les recettes communales. Certaines des mesures prises, il y a la mesure qui est liée à la fermeture des cabarets après 22 heures. La deuxième mesure qui a été prise, c'est l'arrêt de la circulation sur moto au-delà de 19 heures. Et la troisième mesure qui a été prise, c'est lié à la fermeture des maisons dites Vyumba vya Masengesho, qui sont aujourd'hui presque éparpillées dans les quartiers, notamment les quartiers populaires comme Gweza, Sorore et Gikoto, mais aussi Kamesa. Ça entraîne le tapage nocturne dans ces maisons. Des fois, ça cause malaise dans les quartiers. Les habitants des ménages ne sont pas tranquilles, ne parviennent pas à se reposer pendant la nuit. Ce sont des mesures qui ont été prises pour tranquilliser la population. Il y a 2 semaines, on observait des vols dans les ménages où ces vols-là devenaient monnaie courante. Les voleurs prenaient le petit bétail, les cochons, les chèvres. Nous avons pris cette mesure pour que les habitants puissent suivre de près ces malfaiteurs qui viennent en pleine nuit dévaliser leur maison. Ces mesures-là ont été accueillies par la population. manifestation. Ces activités suspendues généraient de revenus dans le trésor communal. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Il n'y aura pas de conséquences parce que habituellement les cabarets sont ouverts à partir de 16h. De 16h à 21h, en tout cas, il n'y aura pas de conséquences sur les recettes communales, même sur la vie de la population. Il n'y aura pas de récalcitrance. Les élus locaux auront à rappeler cette mesure et progressivement, les gens vont s'adapter. L'administrateur de la commune de Kanyosha, Jean-Marc Massemont-Zerere, au téléphone avec Évariste Nzikobanyanga. Il est 13h07 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le petit Igirubuntu Thierry, natif de la commune Butavuka, commune Rugazi de la province Bubanza, est rentré de France après 6 mois de soins d'une tumeur au niveau du visage. Tchongera Janine, sa mère, est très contente de revoir son enfant. Elle remercie toute personne qui a aidé, spécialement la radio Isanganiro et l'ONG Bon Samaritain. Suivez-la, elle est traduite en français par Florence Ndayiragije. C'est une grande joie dans notre famille. Nous sommes heureux de voir de tel état de cet enfant jusqu'aujourd'hui. Nous remercions infiniment le bon samaritain qui nous ont soutenus pour que cet enfant puisse aller se faire soigner en France. Et nous remercions également la radio Isanganiro qui nous ont aidés. Le bon samaritain est prêt à soutenir les autres qui voudraient de leur assistance. De son côté, Alexis Boutoyi, président de l'organisation Bon Samaritain, est satisfait et précise que d'autres enfants ayant des malformations attendent une assistance. Suivez-le. C'est un sentiment vraiment de joie d'avoir l'enfant guéri qui joue après avoir subi une chirurgie vraiment si difficile en France. Donc il y avait le désespoir dans sa famille. Maintenant, grâce aux bienfaiteurs, grâce à Radio Isanganiro, nous remettons la joie dans sa famille et spécialement la santé à l'enfant. Donc c'est une chose inexplicable qui donne la joie dans le cœur, une richesse qui ne peut pas s'effacer à nous et de génération en génération. Il y aura toujours des traces, il y aura toujours à dire, il y aura toujours des louanges. Nous avons une liste d'attente de 37 enfants programmés d'aller à l'étranger d'ici en avril 2018. Plus de 24 parmi eux sont des familles si pauvres. Nous interpellons à toutes les personnes de s'engager à faire le peu qu'il peut. En mois de novembre, nous avons deux enfants qui n'ont pas même eu le passeport pour partir. Je profite de l'occasion de venir en aide de ces familles. C'était le président de l'organisation Le Bon Samaritain, Alexis Boutoyi. Et puisque nous parlons santé, l'Institut national de santé publique, INSP, a annoncé le démarrage du programme Master en santé publique, entre autres en option de gestion des systèmes de santé. Le directeur général de l'INSP explique que c'est un projet d'appui pour les étudiants titulaires d'un premier diplôme qui n'ont pas pu bénéficier de bourses d'études du gouvernement. Suivant le directeur général de l'INSP, Pierre Claver Kazihissé. Nous avons fait appel à vous ce matin pour vous faire part du programme que l'Institut national de santé publique envisage de commencer dès l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2000. Il s'agit du démarrage du cycle de master en santé publique et nous avons constaté qu'il fallait mettre en place une formation avec deux options, l'option épidémiologie, gestion des systèmes de santé. Et c'est l'occasion aujourd'hui de lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés, de pouvoir, n'est-ce pas, se faire connaître, parce que la préinscription est prévue jusqu'au 15 décembre et un examen de sélection sera organisé le 5 janvier 2018. Et bien sûr, la rentrée sera envisagée pour le 29 janvier 2018. C'était Pierre Claver Kazihissé. Il est directeur général de l'Institut national de santé publique. Toujours dans l'actualité nationale, le président de l'organisation Parsem explique que l'État ne peut décréter la solidarité nationale que pour supporter les charges en cas de calamité et des catastrophes naturelles. Faustin Dikoumana réagit au moment où le ministère de l'Intérieur va sortir bientôt une ordonnance ministérielle pour la contribution aux élections de 2020. Il précise en outre que c'est simple de cotiser volontairement pour les élections. Les détails avec Évrard Hafzariman. Faustin Dikoumana, le président du Parsem, souligne qu'émettre une ordonnance ministérielle pour la contribution des élections de 2020 n'est pas conforme à la constitution du Burundi, à son article 70, a-t-il ajouté. Des fois, il faut interroger si au niveau de la Constitution, si au niveau juridique. Parce que moi, quand je consulte la Constitution, on voit que dans l'article 70, la Constitution précise que l'État peut décréter la solidarité nationale des charges au niveau de supporter les charges en cas de calamité naturelle ou de catastrophe naturelle. C'est assez clair au niveau de la Constitution. On se fait se demander alors que si au niveau juridique, la loi est recevable. Faustin Dikouman demande plutôt de s'atteler à la discipline budgétaire afin de dégager des fonds substantiels. Si on s'attelait à la discipline budgétaire, on commencerait à dégager des fonds substantiels qui viendront financer cette élection, si du moins on veut prioriser ça. Parce que même si on faisait appel à la population, je crois que le gros du budget pour financer les élections viendra du budget ordinaire par principe de provisionnement annuel. À la question de savoir si quelqu'un répond à l'appel du gouvernement de contribuer aux élections de 2020, Faustin Dikouman a répond. Si le gouvernement fait un appel de contribution, on sensibilise à volonté, c'est tout à fait normal. Le président du Parsem ajoute en outre qu'une fois cette ordonnance ministérielle pour contribuer aux élections de 2020 sera mise en place, il va saisir la Cour constitutionnelle. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Les bureaux de vote ont ouvert leur poste ce jeudi au Kenya pour une élection présidentielle sous haute tension. Le pays est divisé d'un côté les partisans du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta, qui a remporté l'élection, la première élection, de l'autre l'opposition menée par Raila Odinga, qui a choisi de se retirer de la course et a appelé au boycott. La police a dispersé des opposants tentant d'empêcher la tenue du scrutin dans plusieurs villes du pays. Et en Guinée, tous les avocats du pays ont entamé ce mercredi une grève générale qui se poursuivra jusqu'au 4 novembre. Ils protestent contre ce qu'ils appellent les tracasseries administratives dont ils font l'objet. Francine Ndiokougaïo pour plus de détails. À la une de l'actualité internationale, l'élection présidentielle au Kenya, les bureaux de vote ont commencé timidement à ouvrir leurs portes ce jeudi matin, une journée qui s'annonce tendue. D'ailleurs, quelques incidents ont éclaté ce matin dans plusieurs villes du Kenya entre les forces de sécurité et des partisans de l'opposition qui ont érigé des barricades et tenté pour certains de bloquer l'accès aux bureaux de vote de la présidentielle. Sont concernés les quartiers qui soutiennent le leader de l'opposition Raila Odinga, âgé de 72 ans. Il a appelé au boycott en estimant que les conditions d'une élection transparente et juste n'étaient pas réunies. Nos confrères de la BBC ont constaté que la mobilisation était relativement faible comparée aux longues queues qui s'étaient dressées devant les bureaux de vote lors du scrutin du 8 août annulé le 1er septembre par la Cour suprême. En Guinée, tous les avocats du pays ont entamé ce mercredi une grève générale qui se poursuivra jusqu'au 4 novembre. Les 300 avocats du pays protestent contre ce qu'ils appellent les tracasseries administratives dont ils font l'objet, notamment les agissements de certains officiers de police judiciaire. Cette grève a paralysé toutes les activités dans les cours et tribunaux. L'ambassadrice américaine à l'ONU a déclaré qu'elle avait transmis un message sévère au président sud-soudanais Salva Kiir. Nikki Haley a déclaré que les États-Unis ne faisaient plus confiance au gouvernement de Juba. S'exprimant sur la radio des Nations Unies, il a affirmé que le président Salva Kiir et son armée devaient agir immédiatement pour arrêter la violence et les abus dans le pays. Malgré le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, qui prône l'apaisement, et les déclarations du président ivoirien Alassane Ouattara en marge du sommet de la CEDEAO, affirmant qu'il n'y a pas de crise entre lui et le président de l'Assemblée nationale, il subsiste des signes de tension. L'un de ces signes a pris la forme d'un document de la direction de surveillance du territoire qui recommande la mise sous surveillance de trois proches conseillers de Guillaume Soro. Ces trois individus recommandent la note du ministère de l'Intérieur, doivent être mis en observation et leur passeport immédiatement retiré. Francine Ndiokougaïo, dans l'actualité internationale, c'est par là que nous bouclons ce journal. Il est 13h16 à Bujumbura. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Séraphine Hakizimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.